Autant en emporte le The Event, chapitre 2. La mairie aux mille et un secrets. Arrivés à la mairie de Levallois-Perret, une des plus belles villes des Hauts-de-Seine, berceau de Webedia, nos amis streamers se font chaleureusement accueillir par un employé OSEF. En tout cas, c'est ce que pensait Mister MV, étant récemment devenu de droite suite à une interview chez Le Figaro. Mais où est Patrick Balkany ? S'interrogea Maman, après s'être aspergé de 47 litres de parfum Giorgio Armani et de Deo Axe, qu'il s'était acheté, convaincu, après le visionnage d'une pub pour le célèbre déodorant avec Big Flo et Oli. Le maire de Levallois semblait être introuvable. Bon, il est où la patoche ? C'est pas tout ça, mais je dois aller m'occuper de Natsu, vous savez, mon adorable Shiba. Oh, toi alors avec ton chien ? Rire. Quoi ? J'ai le droit d'aimer les animaux à la fin. Il ne pouvait se retenir de rougir à chaque fois que Juice lui faisait une vanne bien sentie. Ça lui faisait plein de petits papillons dans le ventre. Mais où est passé Alpha ? Son ami, commentateur de l'Overwatch League une fois sur quatre, semblait introuvable lui aussi. D'abord Patrick Balkany et maintenant AlphaCast ? Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Mais enfin, mais pourquoi tu t'inquiètes ? Il m'a dit qu'il avait un besoin pressant d'aller aux toilettes quand nous venions d'arriver. Rire titanesque ! Où est le texte ? Ah, c'est là. Le regard de Maman se posa sur les toilettes pour hommes de la mairie de Levallois-Perret. À peine avait-il eu le temps de se rendre compte que les poignets étaient en saumon fumé qu'en sortit Patrick Balkany. Patrick Balkany ? Mais quel plaisir de vous voir ! Étant moi-même de droite, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Rire de droite. Maman se demanda s'il s'était passé quelque chose entre Patrick Balkany et AlphaCast dans les toilettes pour hommes de la mairie de Levallois-Perret, la célèbre ville du département 92. Ha ha, je suis Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret et roi des roublards. Patrick Balkany ? Alors Patoche, on nous fait des cachotteries avec AlphaCast dans les toilettes ? Rire. Maman se mit à serrer du poing. Il ne comprenait pas encore la nature de ses sentiments. Mais étrangement, la petite plaisanterie de la streameuse en costume de sumo n'était pas bien passée chez lui. Patrick Balkany prit un air grave et déclara à toute la petite bande « Suivez-moi dans mon bureau, j'ai quelque chose à vous montrer. » Ils se regardèrent tous, un peu interloqués. Squeezie pensait à son chien. Juice était italien.